Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un enfant est mort, le drame du petit Gignoux. Le 24 avril 1937, un jeune garçon de 8 ans, Paul Gignoux, meurt après avoir été agressé par d'autres enfants dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. L'histoire est tragique, bien sûr. Et dans le contexte d'une France en proie de grandes tensions politiques et une violence autant verbale que physique, ce fait divers de quartier va vite se retrouver en une de la presse nationale. Évoqué au Conseil municipal de Lyon, puis à la Chambre des députés et au Sénat à Paris, l'affaire Gignoux fait l'objet d'une couverture exceptionnelle, au point de partager la première page de certains journaux et magazines avec, en ce mois d'avril 1937, le bombardement de Guernica par les nazis. Oui, cette affaire est ouvertement politique. Alors, que s'est-il passé en cette journée du 24 avril dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon? Pourquoi Paul Gignoux a-t-il été agressé? Où sont les responsabilités dans cette tragédie? Notre invité aujourd'hui, l'historien Gilles Vergnon, maître de conférences d'histoire contemporaine à Sciences Po Lyon. Il est l'auteur du seul livre consacré à cette affaire, intitulé « Un enfant est lynché, l'affaire Gignoux 1937 », paru aux presses universitaires de France en 2018. Il nous attend dans le studio de France Inter à Lyon. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Retro News, le site de presse de la BNF, récit documentaire Adrien Cara, voix de la revue de presse incluse dans ce récit Claude Askolovitch, bien sûr, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Tous les traits infamants sont soigneusement recueillis et avidement colportés. On juge superflu de vérifier, de contrôler, en dépit de l'absurdité parfois criante. On écoute et on répète, sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touchent de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Le 22 novembre 1936, devant l'hôtel de ville de Lille et face à la foule, le président du conseil, Léon Blum, s'exprime lors de la cérémonie d'hommage national à Roger Salengro. Sans les citer, Blum vise ici certains journaux d'extrême droite comme l'Action française ou Gringoire. Bien que finalement disculpé des accusations de désertion lors de la Grande Guerre, Roger Salengro, homme usé, fatigué, déprimé, s'est suicidé chez lui, mort par asphyxie. S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, écrit le ministre dans une lettre posthume qu'il laisse à ses proches, ils porteront la responsabilité de ma mort. Je ne suis ni un déserteur ni un traître. Mon parti aura été toute ma vie et toute ma joie. Séisme politique, la mort du ministre de l'Intérieur Roger Salengro est l'illustration de l'ambiance nauséabonde et du climat malsain qui gangrène la France en cette fin d'année 1936. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, le Front populaire au pouvoir depuis mai est dans une impasse. Contesté de manière virulente par l'opposition et au sein même de sa propre coalition, le gouvernement de Léon Blum est la cible de toutes les critiques. La situation économique du pays, désastreuse, le contraint à repousser son programme de réforme sociale. Alors la classe ouvrière et ses syndicats se sentent trahis et commencent eux aussi à douter. De grandes grèves perturbent l'industrie et les usines. Destin classique de la gauche au pouvoir, elle génère l'espoir, mais se bute aux réalités économiques, ses briseuses de rêves. Pour ne rien arranger, en coulisses, la droite et surtout l'extrême droite se livre à toutes sortes de manigances pour déstabiliser la gauche au pouvoir qui, selon elle, n'a rien à y faire, comme illégitime, pas dans son rôle. L'affaire Salandro est un exemple parmi d'autres des campagnes récurrentes de cabale et d'attaques relayées par la presse. La dissolution des principales ligues d'extrême droite, quelques mois plus tôt, ne résout pas le problème. Si certains partis s'intègrent au système, d'autres se retranchent dans la radicalité et mènent des actions violentes. C'est le cas notamment de la Cagoule, une organisation créée à la dissolution des ligues et qui rassemble d'anciens militants du groupe politique de l'Action française, comme l'explique l'historien Philippe Boudrel. Une affaire comme la Cagoule n'est pas le fruit d'un hasard. Il est bien entendu qu'on rencontre dans l'organisation un certain nombre de têtes particulièrement échevelées, d'amateurs de lutte clandestine, de mythomanes assez fameux également. Mais cette affaire, comme d'autres sociétés secrètes par la suite, d'autres sociétés secrètes explosives, citons par exemple l'OS, ne sont pas le produit d'une génération spontanée, c'est le produit d'un contexte, le produit d'une époque. À ce sombre tableau s'ajoute une montée de la violence entre communistes et fascistes. Alors que jusqu'ici leur lutte se caractérisait la plupart du temps par un affrontement verbal, dans les journaux, sur les banderoles déployées lors de manifestations, elle bascule dans la violence physique. Quelques mois après les obsèques du ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, le 16 mars 1937, le Parti Social Français, le PSF, Mouvement Nationaliste et Patriote, créé sur les bases de l'ancienne Ligue des Croix de Feu par le colonel Delarocque, organise une réunion à Clichy, dans la banlieue de Paris. Clichy, ville industrielle dominée par la gauche, où la venue du PSF fait figure de provocation. De simples séances de cinéma et de bienfaisance pour les sympathisants de la section locale du parti, l'événement tourne au bain de sang. Les communistes des partis de gauche manifestent dans les rues avoisinantes pour dénoncer les fascistes du colonel Delarocque. Des affrontements sporadiques éclatent avec des membres du PSF. Et prise à partie, la police ouvre le feu sur les manifestants. Le bilan est terrible. 6 morts et plus de 200 blessés parmi les manifestants. Le préfet de police, André Blumel, est lui-même atteint de 2 balles. Et il échappe à la mort de justesse. Face à ce que l'historien Serge Bernstein décrit comme une guerre civile larvée, le gouvernement de Léon Blum semble totalement dépassé. À Paris et en province, on craint à tout moment un nouveau dérapage qui pourrait mettre le feu aux poudres. Et c'est précisément dans ce contexte de très grande tension et de contestation politique virulente qu'un mois après les événements de Clichy, les rues de Lyon vont devenir le théâtre d'un fait divers dramatique, l'affaire Paul Gignoux. Lyon, samedi 24 avril 1937. C'est dans le quartier de la Croix-Rousse, au 83 rue Chazière, dans une grande maison avec jardin, que résident depuis 17 ans les époux Gignoux. Ils ont 9 enfants, le petit dernier se prénomme Paul, il a 8 ans. Catholique et pratiquante, cette famille est très investie dans la vie de son quartier. Accompagnée de son épouse, Octave visite les pauvres et sa fille aînée, Marie, elle enseigne le catéchisme aux enfants de la paroisse. Négociant en vin, issu d'une vieille famille lyonnaise originaire de Suisse, le père de famille, Octave Gignoux, jouit d'une solide réputation. Voici comment l'historien Gilles Vernion le décrit. Sans appartenir, comme ses célèbres homonymes, créateurs d'une importante entreprise chimique, aux dynasties lyonnaises qui ont contribué à façonner la physionomie économique et culturelle de la ville, Octave Gignoux appartient incontestablement à cette moyenne bourgeoisie, plus étoffée numériquement, qui irrigue le tissu social des différents quartiers de Lyon. Son nom figure depuis 1924 sur les listes de tout Lyon. Annuaire de la haute société de la région lyonnaise, qui nous informe qu'il possède automobiles et téléphones, un symbole de consommation ostentatoire. De Colline des Barbares, à l'époque de la révolte des Cadenus, un siècle plus tôt, le quartier de la Croix-Rousse a changé d'allure. S'il reste sans conteste un endroit populaire, on y a construit une cité pavillonnaire où vivent des familles de classe moyenne, voire aisées. Et juste à côté se trouve un ensemble d'habitations à bon marché, les HBM, oui, ancêtres des HLM. Cet endroit, c'est la cité Philippe de La Salle, où logent des ouvriers avec leurs familles. Sur le plan politique, le quartier est très polarisé, avec deux électorats opposés, de droite et de gauche, d'importance égale. Et comme bon nombre de notables de province, Octave Gignoux a pris sa carte au Parti Social Français, le PSF. Pour autant, il n'est pas une figure active de la scène politique lyonnaise. Et il fait encore moins preuve de prosélytisme dans son quartier. Ce samedi 27 avril, il est un peu plus de 18h30, lorsque Paul Gignoux quitte le domicile familial au guidon de son vélo. Le jeune garçon part sillonner le quartier, histoire de vendre ses derniers billets de tombola pour la kermesse de l'enseignement catholique. Voilà une semaine que les habitants de la Croix-Rousse ont pu croiser Paul ici et là, ses billets imprimés à la main. À chaque fois, les voisins le reconnaissent et le regardent avec amusement. Malgré son jeune âge, 8 ans, le garçonnet s'imagine plus tard missionnaire en Afrique. Il se voit aider, éduquer, transmettre. À l'image sans doute des valeurs de l'enseignement catholique qu'il reçoit à l'école privée, là où ses parents l'ont inscrit. Au retour de sa tournée, il emprunte l'une des rues qui borde la cité Philippe de La Salle. Et c'est là qu'il est pris à partie par plusieurs gones, comprenant des garçons quartiers de la cité. Ces derniers l'interpellent, insultent, injurent et lui jettent des pierres. La suite est confuse. Les versions et les témoignages diffèrent suivant ceux qui ont participé à l'agression et ceux qui l'ont observé. Interrogé par les policiers, voici ce que l'un des enfants déclare. Probablement le témoignage le plus crédible. Après la sortie de l'école hier soir, je joue avec deux petits camarades rue Pernon, près de ma maison. Un garçon est passé à bicyclette et comme il avait de grands cheveux, on a dit qu'il ressemblait à une fille. Il nous a fait la grimace. Et la petite Georgette, elle lui a donné une gifle. Puis des garçons lui ont lancé des petits cailloux. Le petit garçon ripostait aussi avec des cailloux. La suite de l'agression, l'enchaînement des faits, diffère suivant les dépositions. Mais l'élément déclencheur de l'assaut semble bien être cette claque que reçoit Paul de la part de la petite Georgette. La jeune fille a été renvoyée du catéchisme quelques jours plus tôt par la sœur de Paul Gignoux. Alors, s'agit-il d'une simple rancœur de gosse ou d'une vengeance qui tourne à l'agression entre gamins, ce qui n'est pas plus rassurant? Du reste, la suite est terrible. Une quinzaine d'enfants de la cité s'en prennent physiquement à Paul. Certains témoins décriront des scènes de lapidation, tandis que d'autres raconteront que le petit Gignoux a été frappé à terre par les autres enfants armés de pierres. Quoi qu'il en soit, seul contre 15 et face à des gamins plus grands et plus âgés que lui, Paul n'est pas capable de se défendre et il est littéralement lynché. Et en pleine rue, de surcroît. Malgré ses blessures, il réussit à se relever et à regagner la maison de ses parents à vélo. Il est environ 19h lorsqu'il en pousse la porte d'entrée. Le voyant blessé, ses parents l'interrogent. Paul leur explique qu'il a été attaqué à coups de pierre par d'autres enfants. Ensuite, il est pris de vomissements. Sa mère l'allonge. Son père, Octave, appelle le médecin du quartier. 40 minutes plus tard, le docteur Blanche arrive. Paul gît inconscient, coma. Le médecin lui fait 2 injections et tente de les réanimer. Rien à faire. Paul ne répond plus. Paul ne respire plus. Il est mort. Comme le décès résulte a priori d'une agression, le docteur Branche exige la saisie de la justice. Le lendemain matin, dimanche 25 avril, le corps de Paul Gignoux est transporté au cabinet d'expertise médico-légale, où un médecin légiste réputé, le docteur Pierre-Étienne Martin, procède à l'autopsie. Et c'est là qu'intervient le premier élément troublant de cette affaire. Si le docteur Branche conclut à une mort résultant d'un choc traumatique, autrement dit, suite à des coups assénés ou victime d'un projectile. Eh bien, malgré les lésions apparentes, le docteur Martin estime, lui, que la mort du jeune garçon est le résultat d'un choc émotionnel. Voici un extrait de son rapport d'autopsie. La gifle violente reçue par le jeune Gignoux est reconnue par l'auteur, la dent ébranlée signalée par le médecin traitant, la petite excoriation sur la racine du nez sont là pour témoigner de traumatismes faciaux. Les traumatismes violents des jambes ont pu entraîner des troubles vasomoteurs et provoquer une poussée hypertensive vasculaire notable. Il n'est pas impossible que l'émotion, autre facteur vasoconstrictif, y ait joint son action. Un traumatisme facial, tel qu'un coup de poing suffisamment violent pour ébranler une dent, surprenant le système vasculaire dans un état d'éréthisme passager, est capable de provoquer une hémorragie dans la zone la plus fragile. Le parquet de Lyon ouvre une enquête criminelle et fait appel à des agents de la sûreté. L'inspecteur chef Masson se retrouve en charge du dossier. L'affaire s'annonce délicate. L'agression des jeunes garçons suscite une grande émotion au sein de la population lyonnaise et au-delà, dans la région. Le nom de Paul Gignoux se retrouve au cœur du débat public. Le maire de la ville, Édouard Herriot, membre du Parti Radical, une formation de gauche et star nationale de la politique, déclare en plein conseil municipal que si de grandes personnes ont assisté à l'agression sans intervenir, elles doivent être considérées comme des complices. Conséquence, plusieurs témoins paniquent à l'idée d'être impliqués dans l'affaire. Autre élément qui complexifie les choses du point de vue pénal, l'âge des agresseurs. Les enfants qui s'en sont pris à Paul sont tous âgés de moins de 13 ans. Aux yeux de la loi, ils ne peuvent donc pas être reconnus responsables et encore moins coupables. De plus, leur jeune âge leur offre la compassion de l'opinion sur un plateau. Alors, on préfère croire que la mort de Paul est liée à un autre motif et surtout, les parents de Paul Gignoux ne portent pas plainte. Aucune action judiciaire ne peut donc être engagée contre les agresseurs. Face à ce vide, à ce déni, finalement, des journaux vont tenter de trouver eux-mêmes un coupable. Dans les colonnes du quotidien lyonnais Le Progrès, par exemple, est ainsi évoquée la présence sur les lieux du drame d'un ado de 16 ans. Et c'est lui qui aurait mené l'attaque. Un individu qui, pourtant, ne sera jamais identifié. L'après-midi même, l'inspecteur-chef Masson remet son rapport au juge d'instruction. Pour le policier, l'agression par un groupe de jeunes garçons et filles fréquentant l'école communale de la place Flammarion ne fait aucun doute. Les interrogatoires, conduits d'abord par les policiers, puis sous l'égide plus tard du juge d'instruction, l'audition de témoins, habitants et commerçants du quartier, permettent de reconstituer l'enchaînement fatal. La provocation des gamins, la réplique de Paul, les jets de pierre, l'acharnement du groupe contre le jeune garçon... Un lynchage qui a conduit à la mort. Au terme de l'enquête, 14 agresseurs sont identifiés par les policiers, dont deux filles. Ils ont pour la plupart entre 8 et 10 ans, soit à peine plus que Paul qui en avait 8. Ils se prénomment Jean, Marcel, Lucien, Charles, Jules, Robert, René et Georgette. Ils habitent tous la cité Philippe de la Salle. Leurs parents exercent des métiers d'ouvriers ou de travail manuel. Dans leur grande majorité, les agresseurs sont scolarisés à l'école La Fontaine. Interrogé par des journalistes du Progrès, le directeur de l'école, Jean Raymond, évoque des tensions politiques. Oui, politiques, qui sont à la source de conflits entre les enfants de son école depuis des mois. Nous avons ici un quartier difficile. Nous sommes chargés d'une population ouvrière très travaillée par la propagande politique. En juillet dernier, c'était la guerre des insignes et des drapeaux. Nous avons, nous, instituteurs laïcs, à intervenir énergiquement pour que les enfants ne viennent pas en classe avec un morceau de laine rouge à la boutonnière. Nous devons constamment effacer sur les murs de l'école des inscriptions de tendance politique. Nous ne pouvons cacher que les parents ont dans cette affaire une grave responsabilité. Ils ne surveillent pas leurs enfants, sous prétexte qu'ils ont une famille nombreuse, et c'est le cas de la plupart. Ils se désintéressent de ce que font leurs enfants en dehors des heures de classe. Au propos du directeur de l'école s'ajoutent les investigations de certains journalistes. C'est le cas par exemple du Nouvelliste, quotidien conservateur lyonnais. Moins d'une semaine après l'agression, on peut lire dans ses pages un article sans nuance sur la situation dans le quartier Philippe de la Salle. Extrait. Certains enfants ont reconnu qu'ils entendaient fréquemment menacer les fascistes. Le petit Gignoux était pour eux bien un fasciste. Plusieurs fois attaqué par ses gosses ou par d'autres en tant que fils de fasciste ou fils de croix de feu. Le juge a la certitude que tous les enfants ont été entraînés par les violences de langage et les menaces que la politique inspirait à leurs parents. Selon toute vraisemblance, c'est une fuite de dossiers d'instruction qui pousse les journalistes sur la piste d'un crime aux motivations politiques. Des fuites confirmées au fil des jours par d'autres extraits d'auditions. Comme le découvrira par la suite l'historien Gilles Vernion lors de ses recherches dans les archives d'époque, l'envoyé spécial à Lyon d'un autre titre, Le Journal, mais il s'appelle comme ça, tout simplement, va plus loin. Il cite un dialogue entre le juge et l'un des enfants auditionnés. Propos probablement reconstitués, mais qui en disent long sur les motivations présumées des agresseurs. Le juge. Tu as entendu dire par ton père que le petit Gignoux était un fasciste? Bien sûr, mon père est communiste, dit l'enfant. Le juge. Mais qu'est-ce qu'un fasciste? L'enfant. C'est un ennemi. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes? Des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous. Ils crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous. Et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim. Par un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous. Ils crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, sonne ses ondes pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous. Et pourtant, les filles sont belles, il y a du beau soleil dehors. Pourquoi se creuser la cervelle? Au diable tout, vivons d'abord. Car là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, crient, les hommes sont fous et se foutent de nous. France Inter, Affaires sensibles. Les enfants du quartier avaient contre lui une animosité marquée. Jeter son vélo à terre et s'arranger pour lui faire subir toutes sortes de tracasseries. Le jeune Gignoux, qui paraissait avoir un tempérament combatif, répondait du tac au tac. À plusieurs reprises, même très souvent, j'ai entendu, sans pouvoir préciser par qui, que le petit Paul était traité de croix de feu et de fasciste. Souvent aussi, comme il était d'une famille très pieuse, on le traitait de cagot. J'ajoute que ses deux frères, déjà âgés, sont également souvent insultés dans les mêmes termes. J'ai l'impression très nette qu'une haine sourde existait contre cette famille. Le témoignage que vous venez d'entendre est celui de Suzanne Pelletier. Elle a 26 ans, elle travaille dans une papeterie située sur la place Femme Marion, dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Comme les autres commerçants du coin, Suzanne est interrogée par les policiers qui enquêtent sur l'agression et la mort de Paul Gignoux à la fin du mois d'avril 1937. Un coup de communiste, se plaisent à dire certains. On recrute jeunes chez les cocos, ces fans de Staline, ce barbare, la violence, on connaît. Ainsi, l'affaire qui n'était dans ses premiers jours qu'un simple drame de quartier s'affiche dans tous les kiosques à journaux de Lyon, de Paris et de l'Hexagone en tant que fait politique. Et les parents des agresseurs se retrouvent pointés du doigt. Les extraits d'auditions parus dans la presse les mettent sérieusement en cause. Face aux magistrats, ceux-ci affirment main sur le cœur que jamais ils n'ont monté la tête de leurs enfants contre les Gignoux. Certains ajoutent qu'ils ne connaissent même pas cette famille. Interrogés à leur tour, des membres de la famille Gignoux témoignent d'épisodes répétés où ils ont été victimes de harcèlement de rue. Et puis, toutes ces fois où des enfants les ont insultés. De son côté, Octave Gignoux, le père de Paul, estime dans sa déposition que l'agression de son fils est le résultat d'une haine de classe et de haine religieuse. Il précise qu'il ne fait pas de politique, et bien qu'ayant sa carte au Parti Social Français, il précise également qu'il n'est un membre, qu'il n'est pas un membre actif et encore moins une figure du mouvement. Il adhère à ces idées-là, et c'est son droit, point. Le juge organise alors une confrontation entre trois des enfants Gignoux et quatre adolescents du quartier désignés par les frères et sœurs de Paul comme des agresseurs. Nous, on n'a pas jeté de pierre. Mais oui, il nous est arrivé de le traiter de croix de feu, en référence au mouvement d'extrême droite ancêtre du PSF. L'instruction close, le procureur estime que la culpabilité de 12 des 14 prévenus est clairement établie dans ce qu'il qualifie d'engrenages de violence qui ont provoqué la mort de Paul Gignoux sans l'intention de la donner. Le mardi 20 juillet 1937, la chambre du tribunal civil de Lyon déclare les prévenus coupables de coups mortels, violence et voies de fait contre Paul Gignoux. Les juges déclarent également les parents civilement responsables et les condamnent solidairement à s'acquitter des frais du procès, soit la somme de 2569 francs. Le jugement recommande néanmoins de ne pas placer les enfants en maison de redressement. Attendu que, si regrettable qu'ait pu être le défaut de surveillance de ses parents qui laissaient leurs enfants vagabonder dans les rues après leur sortie de l'école, si fâcheuse que semble avoir été sur l'esprit de ses enfants l'impression produite par les violences de langage à l'égard de personnes occupant une autre situation sociale ou supposées professer d'autres opinions politiques, il ne paraît pas dans l'intérêt d'aucun des enfants prévenus de les enlever au milieu familial. Sur le plan judiciaire, l'affaire est close. La famille Gignoux, qui n'était pas partie civile au procès, a déjà déménagé à l'ouest de la périphérie de Lyon. À la manière des grandes affaires politiques et judiciaires qui ont marqué la France depuis la fin du 19e siècle, celle de la mort de Paul Gignoux connaît un emballement médiatique hors norme. Dans la presse, deux camps bien distincts se forment. Les partisans du Front Populaire, comme l'Humanité, Marianne, Le Populaire, L'Œuvre ou Vendredi, et les opposants de droite et d'extrême droite, tels l'Action Française, Gringoire, L'Écho de Paris, Le Temps ou encore L'Ami du Peuple. Entre ces deux positions, très peu de centristes dans la presse. Comme en témoignent ces courts extraits sur des faits ou des déclarations rapportées par les journaux. On lit dans Le Progrès que ce serait à cause de ses longs cheveux bouclés que les gones de la Cité La Salle auraient interpellé Paul Gignoux en lui criant « Où la fille ?» D'après les photos, Paul Gignoux avait les cheveux mi-longs coupés en frange droite sur le front, de la même longueur tout autour de la tête. L'Action Française, journal monarchiste, affirme lui que Paul a été conspué au cri de « Hé la fille ! Hé fasciste !» Mais Le Populaire, journal socialiste, prétend qu'il aurait juste été traité de « fille en culotte ». L'Action Française, encore, affirme que deux enfants qui se trouvaient sur place auraient conseillé à Paul de ne pas répondre et de s'enfuir. « Fais pas attention, laisse-les crier, viens avec nous !» Mais selon Le Progrès, Paul aurait refusé de se laisser faire et aurait riposté. Il aurait traité ses assaillants de « tas de crétins ». Mais pour l'Humanité, journal communiste, les vrais mots de Paul auraient été « tas de gredins ». Pour le Nouvelliste, la gifle qu'a reçue Paul de la part de la petite Georgette aurait été le signal de la lapidation. Le Populaire s'autorise une description romanesque de la scène. Les 15 garnements firent tomber la petite victime de sa bicyclette et commencèrent à la frapper brutalement. Ils le frappèrent avec de gros cailloux. Mais ces cailloux sont sujets à controverse car on ne les a pas retrouvés sur la scène de l'agression. Enfin, le Nouvelliste affirme que les agresseurs du petit Paul Gignoux ont été déchaînés par les excitations à la haine de leurs parents. Voilà, faites le tri. Ainsi, pendant des semaines, la mort de Paul Gignoux fait la une et les gros titres de tous les journaux du pays, au point de partager les premières pages avec le bombardement des nazis sur Guernica, c'est dire. Quand la presse de gauche tend à minimiser l'affaire, ou la présenter comme un acte isolé et malheureux, la presse de droite et d'extrême droite se lance dans une course à la surenchère et dénonce un crime communiste légitimé par le pouvoir politique. l'époque est explosive. Après le débat nourri par la presse, l'affaire Gignoux s'invite à la Chambre des députés, comme on disait alors. Elle est une nouvelle fois utilisée à des fins politiques. Le député d'Avienne, Pierre Collomb, élu sous l'étiquette de la gauche démocratique et radicale indépendante, parle de décomposition morale du pays. C'est vrai que ça y ressemble. Le petit Gignoux, explique le député à la tribune, a été tué parce qu'il était bien vêtu et avait les cheveux bouclés. Cette affaire est, selon le député, le résultat de plusieurs mois d'excitation. Le 18 novembre 1937, cette fois, c'est le célèbre député de la Seine, Jean Cap, élu sous l'étiquette républicain indépendant, qui interpelle le gouvernement sur la question de l'insécurité. L'ancien préfet de police de Paris qu'il est, évoque plusieurs troubles à l'ordre public, tels que les grèves, les attentats et la mort du petit Gignoux. En ces termes, ces derniers mois, une foule de faits inquiétants se sont produits partout sur le territoire, jusqu'à des assassinats d'enfants. Des propos repris par l'Action française pour qui les actes d'abdication du Front populaire au moment des meuses, comme celle de Clichy, nous préparent de graves lendemains. Le thème de l'insécurité et de son exploitation politique n'est pas nouveau, en 37 déjà. Il est l'alpha et l'oméga de la pensée réactionnaire. Alors, que retenir de cette affaire ? Lors des auditions dans le cabinet du juge d'instruction, il est apparu clairement que l'agression de Paul Gignoux n'a pas été préméditée. Non, les agresseurs de Paul, âgés d'à peine une dizaine d'années, nourrissaient certes contre lui une certaine forme de haine et d'animosité. Mais les témoignages des parents, des proches et de ceux qui ont assisté à la scène vont tous dans le même sens. Une simple bagarre entre gosses qui dégénère en lynchage et conduit à la mort de Paul. Une simple bagarre de gamins qui se termine par un meurtre. Est-ce si simple ? Voilà une histoire, en tout cas, qui en dit aussi long que les meilleures thèses de l'historien. Elle illustre de façon violente, sidérante, le climat de violence que connaît la France des années 30. À bien des égards, celle de la montée des périls, jusque dans le cœur des gosses. No one knew me. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le drame du petit Gignou, dont nous allons parler avec notre invité, l'historien Gilles Vernion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Lyon, dans les studios de France Inter à Lyon, maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Lyon, donc. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire, la mémoire et la politique durant la période de l'entre-deux-guerres. Et vous êtes à l'origine, alors, c'est fou, mais du seul ouvrage consacré à cette affaire, hein, un livre intitulé « Un enfant est lâché », l'affaire Gignou 1937, paru aux presses universitaires de France en 2018. Quelle était votre intention éditoriale pour ce livre ? Alors écoutez, au départ, moi j'ai pris connaissance de cette affaire en lisant les souvenirs des grands écrivains d'un fascisme français. Il aurait d'ailleurs revendiqué l'étiquette qui se cherche, Robert Brasillach. Ah bah oui. Dans ses souvenirs qui s'appellent Notre avant-guerre, il évoque cette affaire, il y consacre une page. Et donc ça avait attiré ma curiosité en tant que, disons, travaillant sur cette période. Et une année, dans le séminaire d'histoire que j'organise avec un autre collègue à Sciences Po, un étudiant qui était en mal de sujet, je lui ai proposé de traiter de cette affaire. Cet étudiant s'appelait, toujours Sébastien Barry Larose, et il a traité ce sujet d'une façon très intéressante. Et ensuite, alors après son mémoire, qui évidemment n'avait pas eu accès au dossier d'instruction, puisque les étudiants n'y ont pas accès, la sœur aînée, dernière survivante de la fratrie, Marie-Amélie Gignou, la sœur de Paul, m'a écrit en tant que directeur du mémoire pour me rencontrer. Elle m'a donné des éléments complémentaires, des lettres avec une très belle écriture en plein et délié comme on apprenait à l'école dans les années 1930. Et elle m'envoyait des documents, un livre qui avait été publié à l'époque. Et du coup, je me suis dit qu'il était possible d'aller plus loin. Et la condition, c'était d'avoir accès au dossier complet de l'instruction, qui est inaccessible aux chercheurs. Normalement, c'est un délai de 100 ans. Mais on peut avoir une dérogation quand on est historien. Donc, j'ai pu consulter tout le dossier. Et je me suis dit qu'il y avait matière à un livre. Et le livre a été publié donc en 2018. Voilà. Et la sœur de la victime, donc Marie-Amélie Gignou, comment s'exprime-t-elle sur cette affaire ? Qu'est-ce qu'elle en dit ? Quel est son regard ? Elle s'exprimait, alors disons que c'était quand même des décennies après les faits. C'était une personne qui était déjà nonagénaire, mais toujours très claire d'expression. Beaucoup de retenue, beaucoup d'émotion aussi, bien sûr. Puis j'ai rencontré d'autres membres de la famille après. Et le paradoxe de cette histoire, c'est qu'elle a ensuite travaillé comme hospitalière, enfin infirmière dans un hôpital, ou une clinique plus exactement, et elle a eu comme collègue de travail la petite fille qui avait porté la première gifle Georgette. À son frère, Georgette, voilà, en 1937, donc après, bon, j'ai pas voulu en savoir plus, j'imagine que les rapports entre les deux personnes n'ont pas été d'une très grande affabilité. Ben, j'imagine. Et, voilà, et donc... Oui. Voilà. Alors, dans votre livre, vous prenez le soin d'expliquer le contexte, et évidemment, le contexte dit tellement de choses, c'est même le sujet principal, hein, le contexte, qui entoure cette affaire, ce drame. Il y a aussi le côté choquant de voir un gamin se faire tuer par d'autres gamins, bien sûr, ça c'est pour le côté humain, mais il y a un côté ouvertement politique. Donc, cette France de 1937, avec son gouvernement du Front Populaire, ses mouvements d'extrême droite, le rôle de la presse, la tension extrême, la montée des périls, comment décrire à nos auditeurs cette période d'entre-deux-guerres? En fait, c'est la fin de l'entre-deux-guerres, c'est la dernière décennie avant le séisme. Oui, alors je dirais que c'est assez difficile parce que je pense qu'il y a deux formules qui permettent de décrire. D'un côté, et c'est ce qui est sur le devant de la scène et c'est vrai, vous avez une double radicalisation à gauche et à droite qui se fait d'un côté à gauche sous la bannière de l'antifascisme et à droite sous la bannière de l'anticommunisme. Avec chaque fois une idée qui est partagée symétriquement des deux côtés, c'est que il y a un péril intérieur, fasciste pour les uns, communiste pour les autres, et derrière ce péril intérieur, il y a des États étrangers menaçants, l'Allemagne et l'Italie pour les uns, l'URSS pour les autres. Alors certains pensent qu'il y a deux périls qui sont à mettre sur le même plan, mais pour la plupart, il y a un péril central qui relativise l'autre. Et ces deux nébuleuses qui s'opposent ont, je dirais, leurs éléments les plus militants, les plus radicaux, qui s'opposent physiquement dans la rue, mais en même temps, d'un autre côté, et c'est pour ça qu'on peut dire que la France ne devient pas l'Espagne, il y a toujours une confiance maintenue des principales formations politiques, de gauche et de droite, dans le fonctionnement des institutions. Clairement, une formation comme le Parti Social Français, donc c'est le colonel de la Roque qui l'a constitué après la dissolution des Croix de Feu, le PSF joue la carte, je dirais, d'une déradicalisation et veut se montrer comme un parti de droite nationale, un parti d'ordre, mais un parti qui n'en rajoute pas dans la radicalité et qui joue le jeu de la présentation de candidatures aux élections. Et je dirais le verdict des élections de 1936, qui donne la victoire au Front populaire, même s'il suscite évidemment une très forte hostilité à droite, il n'est pas remis en cause dans son principe. C'est-à-dire que vous avez quand même un État républicain qui fonctionne, et on pourrait y revenir dans la discussion, mais quand vous regardez les violences qui se produisent et qui ont fait 70 morts, je les ai comptées, je pense pas m'être beaucoup trompé, entre février 34 et novembre 38, il y a 70 personnes qui décèdent suite à des violences politiques. Oui, on est quand même... La plupart de ces morts... Oui, pardon. Finissez votre phrase, pardon. Je termine, les 70 morts, pratiquement tous sont dus à des confrontations entre militants de gauche et police, ou militants de droite et police. C'est-à-dire que c'est rarement, très rarement, alors Paul Gignoux est une exception terriblement malheureuse, c'est rarement les formations qui se heurtent directement l'une contre elle. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on avait en Italie avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini, en Espagne avant la guerre civile ou dans l'Allemagne de Weimar. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il y a un État qui impose sa médiation. Mmh. Et effectivement, à Clichy, vous en avez parlé, c'est pas militant communiste contre croix de feu, c'est la police qui s'interpose et c'est elle qui effectivement va ouvrir le feu sur les manifestants communistes. Mais il n'y a pas d'échange de coups de feu entre PSF et communistes. Mais on a tout de même. Alors, c'est la grande différence avec d'autres pays. C'est la grande différence. On a tout de même des milices armées à cette époque-là, dans les rues. Et ça, c'est quand même très différent de ce qui a pu se passer lors de tensions plus contemporaines chez nous. Des milices armées, quand même. Non ? Oui, alors, il faut préciser que la vente d'armes de petit calibre est libre en France jusqu'en 1939. Mmh. On peut acheter jusqu'au calibre 7,65 un pistolet aux Galeries Lafayette, aux Dames de France, au Bon Marché. D'ailleurs, la police tient une statistique des ventes d'armes. Et beaucoup de militants, de gauche et de droite, vont aux manifestations avec un pistolet dans la poche. Oui, c'est vrai. C'est autorisé. C'est autorisé, effectivement. Mais, voilà, c'est autorisé, mais la plupart du temps... Alors, d'abord, on sait mal s'en servir. Ce sont des petits calibres peu précis. Quand on tire de nuit, qu'on n'a pas l'habitude à 200 mètres, on a peu de chance de toucher sa cible. Donc, en fait, quand on regarde bien, il y a souvent des coups de feu tirés. Mais on peut dire, heureusement, très peu atteignent leur cible. Et finalement, les morts par confrontation entre militants ayant des armes à feu, on a très très peu de victimes. Je crois que j'en ai fait la liste en plusieurs cas. Parce que, voilà, on a des armes à feu dont on ne sait pas forcément bien se servir. Ce sont des petits calibres. Et c'est pas utilisé de façon systématique, parce qu'encore une fois, la police s'interpose. Mais, effectivement, le fait d'aller à une manifestation avec un pistolet dans la poche, c'est pas anodin, évidemment. Bien sûr. On va se retrouver, Gilles Vernion, dans 3 minutes, après avoir écouté Julien Doré avec Edith Preto. L'arme fatale, mais l'arme comme des larmes, hein, des larmes de Dieu. Les arguments et les baisers, je sais j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher au milieu des torrents de médiocrité. Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai la larme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle la vie. Oh, elle est pas belle. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées. La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Oh, elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle. est pas belle la vie, elle est pas belle là. Gilles Vergnon, dans cette affaire, on rappelle qu'un enfant de 8 ans est mort pour des raisons qu'on dit politiques. Alors quoi? Ces enfants avaient lu Marx, avaient lu Keynes? Non, évidemment. Ça veut dire que le débat politique était si présent dans les familles qu'il a pu contaminer des gosses? C'est ça que ça oui, veut je dire? Oui, je crois qu'on est dans une période où vous avez une descente de la politisation jusque dans la strate de l'enfance, donc les moins de 10 ans. Vous avez cité ces échanges d'invectives qui ont, bon, qui la plupart sont authentifiés. Donc effectivement, traiter un enfant de son âge de cagot, de fasciste ou de croix de feu, ou à l'inverse de coco, parce qu'on a aussi des éléments comme ça à Paris dans l'autre sens, ça montre bien que ces enfants se réapproprient le vocabulaire qu'utilisent leurs parents à la table familiale, et ça nous rappelle que c'est une époque de très forte politisation, hein, avec de très très forts taux de participation aux élections, pas du tout comme aujourd'hui, où la politique s'invite, alors non pas dans toutes les familles certainement, mais dans beaucoup de familles, et comme en plus c'est une période de forte tension internationale, vous avez une espèce de mise en résonance des tensions internationales et nationales, ce qui explique cette forte politisation, cette peur aussi, hein, les gens ont peur, les gens de gauche ont peur du fascisme, et c'est tout à fait sincère, et les gens de droite ont peur du communisme, et c'est tout aussi sincère. Et donc, ces peurs cumulées et symétriques aboutissent à, je dirais, cette politisation, ces discussions angoissées aux tables familiales, et que les enfants se réapproprient à leur façon, et comme le citait cet instituteur de l'école La Fontaine, qui rappelle que les enfants se bagarrent dans les coups d'école, arborent des symboles politiques à leur blouse. Voilà, c'est quelque chose qui est constaté à une échelle que je ne soupçonnais pas avant d'entreprendre ce travail. Et cette descente de la violence politique dans le monde de l'enfance est-elle unique ou existe-t-il d'autres affaires de ce type à la même période? Alors j'ai recensé dans le livre trois autres affaires qui heureusement ne se terminent pas par un décès. Une affaire à Toulouse, il y a une affaire à Ivry et une affaire à Roubaix. Là, je parle d'affaires qui ont été médiatisées dans la presse, avec suite judiciaire, hospitalisation, donc on a des éléments précis. Et sinon, il y a d'autres éléments, là, qui n'ont pas fait l'objet de médiatisation. Par exemple, le futur cardinal Lustiger, qui est né dans une famille juive, Aaron Jean-Marie Lustiger, raconte dans un témoignage qu'il a été tabassé par des gamins à la sortie d'une école au cri de « sale juif ». Donc, il s'est défendu. Vous avez un autre témoignage dans un lycée parisien, où là, c'est plutôt des jeunes gens, disons plutôt à droite, qui dominent, qui là exercent des violences sur leurs condisciples rares, qui sont plutôt orientés à gauche, dans les lycées parisiens. C'est-à-dire que voilà, mais simplement, ça n'a pas abouti, heureusement, à des morts d'enfants, ni à des procédures judiciaires, ni à des médiatisations. En fait, on a 4 cas médiatisés, alors celui de Gignoux, évidemment, et 3 autres cas après, où évidemment la presse va dire, comme à Lyon, un enfant agressé à Toulouse, comme à Lyon, un enfant agressé à Ivry. Et donc, c'est vraiment sur le modèle lyonnais qu'on décline ces 3 autres affaires, qui sont donc les 4 qui ont été médiatisées, mais 3 n'ont pas abouti, heureusement, à la mort d'un enfant. Alors, vous avez beaucoup d'éminents confrères et consoeurs, historiennes et historiens, pourtant, vous êtes le seul à avoir écrit un livre là-dessus. C'est le seul livre. Comment expliquez-vous ce manque de curiosité, quand même, parce que ça en dit beaucoup. Moi, je vous fais l'aveu que j'ai découvert cette histoire, et je l'ai trouvée passionnante. Voilà, mais elle mériterait d'être... Elle aurait mérité plus d'un livre, enfin, c'est étonnant, non ? Alors, plus d'un livre, je ne sais pas, mais je dirais que pour moi, c'était l'occasion de faire ce que j'ai appelé au début de mon livre une biopsie, c'est-à-dire une coupe dans la France de la fin du Front Populaire, 37, pour essayer de vérifier cette hypothèse, dire est-ce qu'on est vraiment dans un pays au bord de la guerre civile ? Est-ce qu'on est vraiment dans un pays où la violence est si partagée que ça ? Et voilà, vous avez lu le livre, vous avez vu que j'ai essayé de porter une réponse très mitigée, très pondérée d'historien, à cette question. D'historien, voilà, tout simplement. Une réponse d'historien, c'est-à-dire que oui, il y a des potentialités de guerre civile, mais la guerre civile n'a pas eu lieu. Guerre civile larvée, disait un député, peut-être que c'est une bonne formule. Oui, alors Verstappen le dit, moi je pense que ça va peut-être dans certains moments plus loin qu'une guerre civile larvée, puisqu'on a quand même 70 morts. Ouais. Alors je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne, mais j'ai interrogé 3 de mes collègues britanniques pour savoir ce qu'il en était en Grande-Bretagne à la même époque. Si vous enlevez l'Irlande, parce que l'Irlande c'est un cas à part, mais en Grande-Bretagne vous avez 0 mort pour violence politique. À un moment où la Grande-Bretagne connaît aussi une crise très profonde, où il y a aussi des formations de droite radicale. Enfin, il y a ce type. Mais voilà, quelque part en Grande-Bretagne, on a une violence beaucoup plus limitée. Donc la France est à mi-chemin entre les cas Allemagne, Italie, Espagne, où ça débouche sur une guerre civile ou la prise de pouvoir de dictature, et un pays comme la Grande-Bretagne, où là, la violence ne débouche pas sur des morts physiques. L'un des moments importants dans cette histoire, ce sont les obsèques de Paul Ginoux. Vous décrivez des scènes incroyables, celles d'une ville entière en deuil avec un cortège immense. Que s'est-il passé ce jour-là à Lyon? Alors, il y a effectivement beaucoup de monde. J'ai les photos des obsèques. Elles sont pas redites dans le livre, mais elles sont tout à fait impressionnantes. Clairement, il semble bien que les cortèges aient été très transversaux politiquement. Et là, voilà, ça nuance l'idée de la guerre civile. Par exemple, la CGT lyonnaise, qui est une organisation syndicale qui a explosé ses effectifs depuis le Front Populaire, ça a été multiplié par 4 ou 5 à peu près. Quand on regarde le communiqué qu'elle sort, c'est un communiqué qui est où on sent une gêne, on dit quand même de telles choses ne se font pas, et quelque part, il y a des témoignages de la famille Ginoux qui disent que des militants de gauche sont allés les voir en disant ce qui s'est passé est indéfendable, de telles choses ne peuvent pas se produire. Donc on a sans doute une foule qui est très nombreuse et qui ne se réduit pas, je dirais, aux partisans ou aux sympathisants du PSF ou même des droites lyonnaises, c'est beaucoup plus large que ça. Puisque là, la mairie de Lyon, par exemple, le maire de Lyon, alors c'est une gauche très modérée, mais il est quand même partie prenante du Front Populaire, Herriot appelle les Lyonnais à participer aux obsèques. Donc voilà, on a quelque chose où c'est pas la droite lyonnaise aux obsèques du Petit Ginoux, c'est une population beaucoup plus large. Quant à la presse, évidemment, elle joue un rôle central dans cette affaire, mais je pense qu'il faut pas faire semblant de s'étonner. Après tout, c'est son rôle, hein, la presse donne l'écho de la réalité. Et la réalité, c'est celle-là. Bon, enfin, qu'avez-vous pu noter quand même lors de vos recherches dans les archives de presse et la façon dont la presse a couvert cette affaire? Alors, d'abord, c'est une presse, rappelons-le, qui est très très lue. C'est une presse très bon marginal, c'est quelques centimes, donc c'est quelque chose de très accessible, et beaucoup de personnes achètent un journal du matin, un journal du soir. C'est pas rare à l'époque. Donc c'est l'apogée de la presse écrite, on peut dire qu'il durera jusqu'aux années 1960. Et deuxièmement, je dirais que la presse, alors la presse la plus à droite, fascisante, paradoxalement, c'est pas celle qui parle le plus de l'affaire Ginoux, parce que pour elle, ça va de soi. Les gauches sont méchantes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc quelque part, il y a rien à dire de plus. On les connaît, et donc ils en rajoutent pas. La presse la plus qui couvre le plus, c'est de la façon la plus virulente, l'affaire Ginoux, c'est la presse, je dirais, communiste, conservatrice, oui, de droite, à grand tirage. Ah bon, le Petit Journal, le Journal. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas le Petit Parisien. Ouais, cette presse à très gros tirage, qui est sans doute la plus vindicative. Et quant à la presse de gauche, évidemment, elle est gênée. Donc ils sont très gênés. Donc ils essayent de dire que c'est un fait divers. Alors c'en est un, mais c'est pas seulement un fait divers. Mais on a une couverture de presse absolument exceptionnelle, du quotidien jusqu'au magazine hebdomadaire. Ça veut dire que c'était effectivement un événement important, et raison pour laquelle on a fait une émission à Affaires Sensibles, grâce à vous, grâce à votre livre. Merci infiniment. Merci. Gilles Vergniaud, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Petit Ginoux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin.